On a eu un invité là, il y a eu un batteur pendant un temps. Oui, je préférerais un peu plus lentement, moi. 140 ou 100.